tous. Amen, sois-je-t-il au moins pour nous. Réponds-nous, oh Amen, sois-je-t-il au moins pour nous. Une chaîne pour rattacher mon épinglette. Ton épinglette? Son épinglette! Épinglier du Mona. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je ne me regarde pas.